Ouais. Pourquoi tu me sous-estimes, boy? Personne vous sous-estime, boy. Ok. Tu voulais jouer le malin et m'inviter en featuring. Mon couplet va gifler, maintenant tu peux sortir du ring. Car quand je dis la vérité, tu flippes, t'as slip, prends plaie d'urine. Mon flow de serait normal, il est tout droit sorti de l'usine. Hey, les ex-rappeurs font les acteurs, font les mannequins, mon musée de grève. Hein. J'ai vu personne en figurine, moi. Dès que j'ri, changement de climat, immense. J'ai une jump 6 mat entouré de Tina, puis de différentes espèces. Yes, yes. Même si c'est chaud, je te fais pas la piste, car un smack suffit pour choper la peste. Hey, patrimoine du ghetto, machine numéro uno. J'fais le rappel que Hatchet j'étais nouveau. Oh, j'ai débarqué en faisant trop de bruit. Car les rappeurs talentueux sont souvent comparés à autrui. Nouvelle équipe à la recherche des hits. Dégué dégage la place, dégué dégaine, tu traces quand j'débute des beats. Fais pas le guerrier car moi j't'ai gris. Yeah, tu tiendras pas deux secondes dans mon aigri. Yeah, yeah, j'baisse pas mon froc, t'es n'importe qui. Si tu me la mets, ça sera la merde. Car mon trou de sortie reste un trou de sortie. J'me voyais pas dans les trafics. Car j'avais déjà un mic dans la paume des l'échographie. J'me suis mis à tuer des intrus. Dès l'âge de 9 piges, des causes wanted recherchées pour meurtre d'un PC et des SP12. J'passe plus incognito, mais j'finirai dans le comico. Si les keufs me pètent avec un gros micro, j'aime mon ghetto. J'ai mal quand tu le méfrites, j'ai des envies de le fuir. J'peux pas être trompé car j'suis fidèle à mon Greg Fruit. Tu penses que j'ai tout dit? J'maîtrise mon érudit, car de mon écurie, c'est de la tuerie qu'on est tuti. On les brûlera tous à petit feu. Quand tu m'écoutes, fais pas semblant de retenir la tête, car j'aime du kiff. Chez nous, que des regards chelous, des chouaras, des bouches dans la bouche si tu parles. Dur de resplendir avec un rat dans le bide. Voici deux soldats qui vous tiennent du bout de leur calibre. Chez nous, que des regards chelous, des chouaras, des pushkas dans la bouche si tu parles mal. Dur de resplendir avec un rat dans le bide. Voici deux soldats qui vous tiennent du bout de leur calibre. Adji est dans le truc qui vient baiser les intrus. Dès l'intro, je te dis qu'un truc, écarte ton cul de l'instru. On fait des grosses bêtises, côtoie bêtise. Nique sa mère à la jambe bâtard, donne-nous tout l'argent que t'as à nous. On fuck l'état avec l'état, on a des tas d'armes de dingue, peu d'état d'âme. A explosé un tas d'hommes, une arrivée inattendue. Trop sont pointus à l'intro, un piège tendu. Ils m'ont pas entendu car on était trop à vouloir le trône, pépère. Avance au trop, check, crame le chrome. Miro, vas-y pète tes chrome ici. Race million, t'sais, il nous faut les millions. Ils veulent canner le messie d'un missile. Ose parler d'homicide, hein, volontaire. Moi je les baiserai volontiers. S'il y a du monde derrière, barbare, anti-lotier. Y'a des kilos de cheat, des sachets de bœufs bombés. De la meume, balex et mémé, qu'affolent les condés, hey. Y'a rien à foutre, tu se débites, tout le beat tire dans le bide ou vide la tête, bout de votre cassette vite. Vise où ça fait mal, genre la tête ou le trou de balle. Et rien à battre, c'est un gros coup de batte, c'est un gros coup de bâtard. Toi, goûte à nos bœufs, ou bien goûte à nos bœufs. Y'a rien à foutre, y'a des corps de porc morts dans les meutes. Adj les nœuds, bah ouais, y'a rien à foutre, nique ta mère, j'tu fais la star, ken toi et pas star. Tout cas, ça va grave, bibi, jusqu'à la mort, non, on a le mort, frère. En un mot, ils vont tous morfler, manger le verset qui canard, qui te goom si tu fais trop le canard. Hardcore dans les halls, on est trop à le connard. On touche pas à la coke, on date comme un cocard. Dealer kick, soir seul, c'est Sky Coca. Mais une coquille, c'était fragile, des couilles coquines. Mais rame ton con qui étonne les cons qui font trop les connes. Chez nous, que des regards chelous, des chouaras, des pushkas dans la bouche si tu parles mal. Dur de resplendir avec un rat dans le bide. Voici deux soldats qui vous tiennent du bout de leur calibre. Chez nous, que des regards chelous, des chouaras, des pushkas dans la bouche si tu parles mal. Dur de resplendir avec un rat dans le bide. Voici deux soldats qui vous tiennent du bout de leur calibre. Eh ouais, Bondy, James is mad. Adji les nœuds, ça vient d'Aubert mon frère. XP et Lozif. Musique.